La fauvette du docteur, de George Sand. Nous avions pour hôte, à la campagne, il y a quelques années, un vieux docteur que nous aimions, bien qu'il fût insupportable, parce qu'il avait du bon malgré ses manies. Entre autres maussades habitudes, il fuyait la société des femmes. On eût dit qu'il les haïssait, et pourtant la cause de leur émancipation avait en lui un défenseur opiniâtre. Il semblait qu'il se réservât pour le temps où elle serait digne d'être admise à l'égalité sociale, car il ne voulut jamais se marier, et lorsque, pour le taquiner, on le lui conseillait, il répondait avec un sérieux admirable « Plus tard, plus tard, il n'est pas encore temps pour moi. » Or, il avait 82 ans. 8 jours avant sa mort, il nous parut tout gai, tout rajeuni, et comme nous en faisions la remarque, il nous déclara d'un air enjoué qu'il avait enfin trouvé la compagne de sa vie et qu'il se sentait véritablement épris, d'autant plus qu'il se croyait parfaitement aimé. Comme rien dans sa vie de cénobite ne nous parut changer, nous prîmes cet excès de fatuité pour une des rares facéties qui déridaient une ou deux fois par an son front chagrin. Un matin, il ne vint pas déjeuner. Nous allâmes le chercher et ne le trouvâmes penché et comme assoupi sur ses livres. Un petit oiseau voltigeait dans sa chambre, dont la fenêtre ouverte laissait tomber sur son vieux crâne les rayons joyeux du soleil de juin. Il était mort. En rangeant et en examinant ses papiers, nous trouvâmes les pages suivantes qui étaient restées éparses sur sa table. 24 juin 1837. Pauvre petite misérable fauvette, grosse comme une mouche, pesante comme une plume. Tombée de ton nid hier soir avant que tes ailes soient poussées, et déjà installée dans le creux de ma main, becquetant mes doigts et te traînant vers mon sein quand je t'appelle. Qui te donne cette confiance? Et quel amour comptes-tu donc trouver en moi pour supporter et secourir ta faiblesse? Ce pli de ma manche où tu te réfugies n'est pas ton nid. Tu ne peux pas te tromper si grossièrement. Tu n'as pas déjà perdu le souvenir de ta famille. Tu entends encore ta mère éplorée qui t'appelle et te cherche sur toutes les branches de l'arbre voisin. Si elle osait, elle volerait jusqu'à ma fenêtre. Si tu pouvais, tu irais la rejoindre. Car je le vois, tu reconnais ses cris. Ton bel œil noir semble prêt à répandre des larmes. Ta petite tête, encore chauve, se tourne de tous côtés avec inquiétude. Et de ton sein tremblant s'échappent de faibles plaintes. Pauvre enfant! Créature si frêle que la nature semble s'être jouée d'elle en lui donnant l'être. Il y a pourtant dans cet atome emplumé une parcelle d'intelligence et d'amour. Il y a de la divinité en toi, fauvette de 8 jours. Tu regrettes ta mère et tes frères et ton père et ton nid et ton arbre et une pâture plus agréable, mieux appropriée à ton organisation délicate que celle que je puis te donner. Tu regrettes, car tu es triste. Tu te souviens car tu réponds à la voix de ta mère. Tu aimes par conséquent. Et pourtant, tu te soumets. Ta faiblesse intelligente se réfugie dans ma bonté. Tu acceptes mes soins et tu sais les solliciter par un air de confiance et d'abandon qui désarmerait le cœur du plus dur. Tu n'es pas belle, hélas. Ta robe cendrée n'a ni éclat ni variété. Ton duvet inégal, hérissé, les peines de ta queue, encore roulées dans un étui de pellicule, te donnent une si pauvre apparence que le premier mouvement que tu provoques en t'approchant, c'est une chiquenaude. Mais la nature a voulu départir l'intelligence à ceci, la beauté à cela. Tandis que mon vanneau promène sans but et sans volonté, d'un air fier et stupide, sa robe d'émeraude et son noir panache, toi, avorton, quasi sans forme et sans couleur, tu sais donner à ton regard et à tes attitudes naïves une expression qui me fait deviner tes besoins et tes désirs.